Lorsqu'elle eut fait quelques verstes hors du village, elle eut la curiosité de compter son argent. Le compteur sera sans doute aussi surpris qu'elle le fut elle-même, en apprenant qu'au lieu de 80 copecs qu'elle croyait avoir, il s'en trouva 120. Ses hôtes en avaient ajouté 40. Praskovi aimait à redire cette aventure, comme une preuve évidente de la protection de Dieu, qui avait changé tout à coup le cœur de ces malhonnêtes gens. Quelque temps après, elle courut un danger d'une autre espèce, et qui l'effraya beaucoup. Comme elle avait un jour une longue traite à faire, elle partit à 2 heures du matin de la station où elle avait couché. Au moment de sortir du village, elle fut attaquée par une troupe de chiens qui l'entourèrent. Elle se mit à courir, en se défendant avec son bâton, ce qui ne fit qu'augmenter leur rage. Un de ces animaux saisit le bas de sa robe et la déchira. Elle se jeta à terre, en se recommandant à Dieu. Elle sentit même avec horreur un des plus obstinés appuyer son effroi sur son cou pour la flairer. « Je pensais, disait-elle, que celui qui m'avait sauvé de l'orage et des voleurs me préserverait aussi de ce nouveau danger. » Les chiens ne lui firent aucun mal. Un paysan qui passait les dispersa. La saison avançait. Praskovi fut retenue près de 8 jours dans un village par la neige qui était tombée en si grande abondance que les chemins étaient impraticables aux piétons. Lorsqu'ils furent suffisamment battus par les traîneaux, elle se disposait courageusement à continuer sa route à pied. Mais les paysans chez lesquels elle avait logé l'en dissuadèrent et lui en firent voir le danger. Cette manière de voyager devient alors impossible aux hommes, même les plus robustes, qui périraient infailliblement égarés dans ces déserts glacés, lorsque le vent chasse la neige et fait disparaître les chemins. Son bonheur amena dans ce village un convoi de traîneaux qui conduisait des provisions à Ekaterinembourg pour les fêtes de Noël. Des conducteurs lui donnèrent une place sur un de leurs traîneaux. Cependant, malgré les soins que ces braves gens prenaient d'elle, ses habits n'étant pas assortis à la saison, elle avait bien de la peine à supporter la rigueur de l'hiver, enveloppée dans une des nattes destinées à couvrir les marchandises. Le froid devint si violent pendant la 4e journée que lorsque le convoi s'arrêta, la voyageuse transie n'eut pas la force de descendre du traîneau. On la transporta dans le Xarzma, auberge isolée à plus de 30 verstes de toute habitation, et où se trouvait la station de la poste aux chevaux. Les paysans s'aperçurent qu'elle avait une joue gelée, et la lui frottèrent avec de la neige en prenant le plus grand soin d'elle. Mais ils refusèrent absolument de la conduire plus loin, et lui représentèrent qu'elle courait le plus grand danger en s'exposant à voyager sans pelisse par un froid si vif, et qui ne manquerait pas d'augmenter encore. La jeune fille se mit à pleurer amèrement, prévoyant qu'elle ne trouverait plus une occasion aussi favorable et d'aussi bonnes gens pour la conduire. D'autre part, les maîtres du Karsma ne paraissaient pas du tout disposés à la garder, et voulurent à toute force qu'elle partît avec ceux qui l'avaient amenée. Dans cette position embarrassante, se voyant déçue de l'espoir qu'elle avait d'aller jusqu'à Ekaterinembourg, en sûreté, elle s'abandonna dans un coin de sa chambre à toute la vivacité de sa douleur. Ses conducteurs furent touchés de sa situation. Ils se cotisèrent pour lui acheter une pelisse de moutons qui dans le pays ne coûte que 5 roubles. Malheureusement, il ne s'en trouva point à vendre. Aucun des habitants de cette ville isolée ne voulut faire le sacrifice de la sienne, parce qu'il était difficile de la remplacer. Les paysans offrirent jusqu'à 7 roubles à une fille de l'auberge, qui les refusa. Dans cette perplexité, un des plus jeunes conducteurs proposa tout à coup un expédient des plus singuliers, et qui permit à Praskovi de profiter de leur bonne volonté. « Nous lui prêterons, dit-il, tour à tour nos pelisses, ou bien elle prendra la mienne une fois pour toutes, et nous changerons entre nous à chaque verste. » Ils y consentirent tous avec plaisir. On fit aussitôt le calcul de la distance et du nombre de fois que les pelisses devaient être changées. Les paysans russes veulent savoir leur compte, et se laissent difficilement tromper. La voyageuse fut placée sur un traîneau, bien enveloppée dans sa pelisse. Le jeune homme qui la lui avait cédée se couvrit avec la natte dont elle s'était servie jusqu'alors, et, s'asseyant sur ses pieds, se mit à chanter à tue-tête, et ouvrit la marche. L'échange des pelisses se fit exactement à chaque poteau des verstes, et le convoi parvint très heureusement et très vite à Ekaterinembourg. Pendant toute la route, Praskovi ne cessa de prier Dieu, pour que la santé de ses conducteurs ne souffrît pas de leur bonne action. En arrivant à Ekaterinembourg, Praskovi logea dans la même auberge que ses conducteurs. L'hôtesse, apprenant de ces derniers une partie des aventures de la jeune fille, et jugeant d'après le récit qu'elle était sans argent, lui fit aussitôt l'énumération des personnes de la ville, qui passaient pour être les plus généreuses, et lui conseilla de s'adresser à elles pour en obtenir leur protection, et les secours nécessaires pour le long voyage qu'elle avait à faire. Elle loua beaucoup, entre autres, une dame, Milin, du caractère le plus obligeant, qui faisait beaucoup de bien aux pauvres et dont la bonté était connue de toute la ville. Les gens de l'auberge confirmèrent la vérité de ce portrait. Lors même que la voyageuse n'aurait pas compris l'intention de l'hôtesse, elle aurait été forcée de chercher un autre gîte. L'auberge était ce qu'on appelle, en russe, « Postoya Leryoy Dvor », maison de repos. Elles sont ordinairement formées d'un vaste hangar pour les chevaux qui n'a que le toit pour couverture, et dans l'angle duquel est une serre chaude qui en occupe la quatrième partie. Les voyageurs s'arrangent comme ils peuvent dans cette pièce unique, dont le plancher sert de lit à ceux qui ne peuvent avoir de place sur le poêle. Le lendemain, Praskovi sortit d'assez bonne heure, dans l'intention de se rendre chez Madame Milin. Mais, suivant son habitude, elle commença par aller à l'église, où se trouvait plus de monde qu'elle n'en avait jamais vu rassemblé. C'était un dimanche. La ferveur qu'elle mit à ses prières la fit autant remarquer que le sac et le costume qu'elle portait, et qui annonçait une étrangère voyageuse. Au sortir de l'église, une dame lui demanda qui elle était. Praskovi satisfit à sa demande en quelques mots, et se disposant bientôt à la quitter, lui fit part de l'intention où elle était d'aller demander l'hospitalité à Madame Milin, dont tout le monde lui avait appris la bienfaisance et l'humanité. Elle parlait à Madame Milin elle-même, qui entendait ainsi son éloge d'une manière qui ne pouvait lui être suspecte de flatterie. Cette bonne dame, avant de se faire connaître à la voyageuse, voulut s'amuser un instant de son embarras. « Cette dame Milin, dit-elle, qu'on vous vante tant, n'est pas aussi bienfaisante que vous l'imaginez. Si vous voulez m'en croire et venir avec moi, je vous procurerai un bien meilleur gîte. » D'après tout le bien qu'on lui avait dit de Madame Milin à l'auberge, Praskovi prit une mauvaise idée de sa nouvelle connaissance. Elle la suivit sans oser refuser et sans accepter la proposition. Au reste, lui dit Madame Milin, voyant qu'elle ralentissait le pas, « Si vous tenez si fort à vous rendre chez cette dame, voici sa maison à deux pas d'ici. Entrons chez elle, vous verrez comment vous y serez reçu. Mais promettez-moi que si l'on ne vous y retient pas, vous viendrez avec moi. » Praskovi, sans répondre, entra dans la maison et, s'adressant aux femmes de Madame Milin, leur demanda si leur maîtresse était chez elle. Les femmes, étonnées de cette question faite en présence de leur maîtresse, elles-mêmes, ne répondirent rien. « Puis-je voir Madame Milin ? » répéta la voyageuse. « Mais dites enfin une des femmes, la voilà !» Praskovi, en se retournant, vit Madame Milin qui ouvrait les bras pour la recevoir. « Oh, je savais bien que Madame Milin ne pouvait pas être une méchante femme !» dit la jeune fille en lui baisant les mains. Cette petite scène fit le plus grand plaisir à sa bienfaitrice. Elle envoya chercher son amie, Madame G., aussi bonne et aussi charitable qu'elle, pour lui recommander la jeune voyageuse, et pour aviser ensemble aux moyens de lui être utile. Après le déjeuner, et lorsque Praskovi se fut un peu familiarisé avec ses nouvelles protectrices, elle leur raconta dans le plus grand détail l'histoire malheureuse de ses parents, et ne leur cacha pas le projet extraordinaire qu'elle avait formé d'aller à Saint-Pétersbourg demander la grâce de son père. Madame Milin, sans trop croire au succès de son entreprise, ne l'en détourna pas. Mais les deux dames résolurent de la retenir jusqu'au printemps. Le froid était devenu excessif. La voyageuse elle-même voyait l'impossibilité de continuer sa route pendant la rigueur de la saison. Et les dames, qui voulaient la garder, ne lui parlèrent point encore de ce qu'elles avaient le pouvoir de faire, et de ce qu'elles firent en effet plus tard, pour l'aider dans son entreprise. Praskovi se trouvait bien heureuse chez elle. Les caresses et la noble familiarité de ces personnes distinguées avaient un charme tout nouveau pour elle. Aussi, les souvenirs du temps fortuné qu'elle passa dans leur société ne sortaient point de sa pensée. Lorsque, dans la suite, elle racontait cette partie de son histoire, le nom chéri de Madame Milin amenait toujours dans ses yeux des larmes de reconnaissance. Cependant, sa santé se trouvait fort ébranlée. La nuit désastreuse qu'elle avait passée dans la forêt lui avait laissé un rhume, violent, que les grands froids n'avaient fait qu'augmenter. Elle profita de son séjour à Ekaterinbourg pour se soigner, et surtout pour apprendre à lire et à écrire. Cette circonstance de sa vie donnera une bien mauvaise idée de ses parents, pour avoir négligé jusqu'à ce point l'éducation de leur unique enfant. Si la pensée d'un exil éternel ne leur avait peut-être fait envisager comme inutile, ou même dangereux, toute instruction pour leur fille, destinée en apparence à vivre dans les dernières classes de la société. Cette profonde ignorance et l'abandon total dans lequel elle avait vécu jusqu'alors rendent plus extraordinaire encore l'essor généreux de son âme. Quoi qu'il en soit, Praskovy, occupée en Sibérie des travaux domestiques, avait absolument oublié le peu de lecture qu'elle avait apprise dans sa première enfance. Elle se mit à l'étude avec toute l'ardeur et la force de son caractère, et fut en quelques mois en état de comprendre un livre de prières que lui avaient donné ses protectrices. L'on était souvent obligé de l'arracher à cette occupation. Le plaisir qu'elle éprouvait en trouvant dans ses prières les sentiments naturels de son cœur développés et exprimés d'une manière si claire et si touchante lui faisait désirer vivement l'instruction. « Combien les gens du monde sont heureux, disait-elle, comme ils doivent prier Dieu de bon cœur, étant si bien instruits de leur religion, avec tant de moyens d'exprimer leur dévotion, et tant de sujets de reconnaissance envers la Providence, pour les faveurs dont elle les a comblés. » Madame Milin souriait à ces réflexions de la jeune fille, mais elle pensait que rien ne devait être impossible à une piété si vraie, à des prières si ardentes. Cette pensée persuada plus que toute autre chose les deux charitables dames, qu'il fallait la favoriser dans ses projets et l'abandonner à la Providence, qui semblait la protéger si visiblement. Madame Milin et son amie n'avaient rien négligé jusqu'alors pour la dissuader, et lui avaient fait les offres les plus obligeantes, les plus avantageuses pour la retenir auprès d'elle. Mais rien n'avait pu l'ébranler. Elle se reprochait même le bien-être et le bonheur dont elle jouissait à Ekaterinembourg. Que fait mon père maintenant tout seul dans le désert, tandis que sa fille s'oublie ici au milieu de toutes les douceurs de la vie? Telle était la question que ne cessait de s'adresser Praskovy. Ces dames se décidèrent donc à lui donner les moyens de continuer sa route. Au retour du printemps, Madame Milin, après avoir pourvu à tout ce dont elle pouvait avoir besoin, arrêta pour elle une place sur un bateau de transport. Elle la mit sous la garde d'un homme qui se rendait à Nijni pour des affaires de commerce et qui était habitué à ce voyage difficile. Avant de passer par les monts Ourals qui séparaient Ekaterinembourg de Nijni, on s'embarque sur les rivières qui sortent de ces mêmes montagnes qui se portent vers le nord. On voyage par eau jusque dans le Tobol, que l'on quitte ensuite pour s'approcher des montagnes. Le passage n'est ni bien haut ni très difficile. Lorsqu'on l'a franchi, on s'embarque de nouveau sur les eaux qui descendent dans la Volga. Praskovy, n'ayant pas les moyens de se procurer une voiture et de voyager en poste, profita d'une des nombreuses embarcations qui portent en Russie le fer et le sel par la Chosuva et la Kama. Son conducteur lui épargna tous les embarras de ce long voyage, qu'elle n'aurait pu faire seule, sans courir de grands dangers. Mais son malheur voulut que cet homme tombât malade en traversant les défilés, et fut contraint de s'arrêter dans un petit village sur les bords de la Kama. Elle fut donc encore livrée à elle-même et privée de tout appui. Elle fit heureusement le trajet jusqu'à l'embouchure de la Kama dans le Volga. Depuis ce lieu, le bateau remontant le fleuve était tiré par des chevaux. La voyageuse éprouva dans ce dernier trajet un accident qui lui fit courir les plus grands dangers. Pendant un de ces violents orages qui sont très fréquents dans ces contrées, les bateliers, voulant éloigner la barque du rivage, poussèrent avec force une grande rame, qui servait de gouvernail, du côté où plusieurs personnes étaient assises sur le bord du bateau, et n'eurent plus le temps de la retirer. Trois passagers, au nombre desquels était Praskovy, furent renversés dans le fleuve. On les retira aussitôt et la jeune fille ne fut point blessée, mais la honte qu'elle éprouvait de changer de vêtements devant tout le monde fit qu'elle les laissa sécher sur elle. Un violent rhume fut la suite de cet accident, qui eut une influence malheureuse sur sa santé. Les dames d'Ekaterinembourg, qui avaient chargé son conducteur de faire les arrangements nécessaires pour la continuation de son voyage depuis Nijni, ne l'avaient recommandé à personne dans cette ville, où Praskovy n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle se trouva donc à son arrivée, sans connaissance et sans protection. Les bateliers la déposèrent sur les bords du fleuve avec son petit équipage qui était devenu plus volumineux par les soins de Madame Milin. En face du pont où l'on débarque ordinairement sur le rivage du Volga se trouve une église et un couvent de religieuses situés sur une éminence. Elle s'y achemina pour faire ses prières accoutumées, se proposant d'aller ensuite chercher un gîte quelque part dans la ville. En entrant dans l'église qui lui parut déserte, elle entendit au travers de la grille les chants des religieuses qui achevaient leurs prières du soir, et regarda cette circonstance comme de bon augure. Un jour, se disait-elle, si Dieu favorise mes vœux, je serai de même cachée sous le voile, n'ayant plus d'autre occupation que celle de remercier la Providence de ses faveurs. Lorsqu'elle sortit de l'église, le soleil se couchait. Elle s'arrêta quelque temps sous la porte, frappée de la belle vue qui se présentait à ses regards. La ville de Déjini, Novogrod, située au confluent de deux grands fleuves, l'Oka et le Volga, offre du point où elle se trouvait un des plus beaux sites que l'on puisse contempler. Son étendue lui paraissait immense et lui inspirait une espèce de crainte. En partant d'Ishim, Praskovie ne s'était représenté que les dangers physiques qu'elle pouvait courir. Elle était préparée d'avance à braver la faim et l'effroi les plus rigoureux, la mort elle-même. Mais depuis que la société commençait à lui être connue, elle entrevoyait des obstacles d'un autre genre, contre lesquels tout son courage ne pouvait la soutenir. Après avoir échappé au désert, elle pressentait cette affreuse solitude des grandes villes, où le pauvre est seul au milieu de la foule, et où, comme un horrible enchantement, il ne voit autour de lui que des yeux qui ne regardent pas et des oreilles sourdes à ses plaintes. Depuis qu'elle avait connu les dames d'Ekaterinembourg, un nouveau sentiment des bienséances et un peu d'orgueil, peut-être, lui rendait plus pénibles les démarches auxquelles l'obligeait sa situation. « Hélas, disait-elle, où trouverai-je des amis comme celles que j'ai quittées? Me voilà maintenant à plus de 1000 verstes d'elle. Que deviendrai-je en arrivant à Pétersbourg, lorsque j'approcherai du palais impérial, moi qui tremble de me présenter ici dans une misérable auberge ?» Ces réflexions s'offrirent avec tant de force à son esprit que pour la première fois un profond découragement s'empara d'elle. Elle lui arracha des larmes. Le souvenir de son père, qu'elle avait abandonné peut-être inutilement, la remplit de regrets et de terreur. Mais bientôt elle se reprocha sa faiblesse et son manque de confiance en Dieu. Elle demanda pardon à son ange gardien, et ce fut lui sans doute, disait-elle en parlant des circonstances de sa vie, qui m'inspira la pensée de rentrer dans l'église pour demander à Dieu le courage que j'avais perdu. En effet, elle rentra précipitamment pour implorer le secours du ciel. Une religieuse se trouvait en ce moment près de la porte pour la fermer. Frappée du mouvement subi de la jeune étrangère, qui ne l'aperçut pas, ainsi que de la ferveur qu'elle mettait à ses prières, elle l'aborda pour l'interroger et l'avertir qu'il était l'heure de fermer l'église. Praskovie, un peu déconcertée, lui raconta naïvement la cause de sa brusque rentrée dans le temple, lui fit part de sa répugnance qu'elle avait d'aller chercher un asile dans une auberge, et finit par la supplier de lui en accorder un dans le couvent, ne fût-ce que dans les cloîtres. La portière lui répondit qu'on ne logeait pas les étrangers dans le couvent, mais que Madame l'abbesse pourrait lui donner quelques secours. « Je n'en demande pas d'autre qu'un asile pour cette nuit, » répliqua Praskovie, en montrant une bourse qui contenait quelque argent. « Des dames charitables m'ont donné les moyens de me passer d'aumône pour quelque temps, et je ne demande que la protection du couvent pour cette nuit. Demain, je continuerai ma route. » La religieuse consentit à la conduire chez l'abbesse. La respectable supérieure était en prière lorsqu'elles entrèrent dans sa chambre. La portière s'arrêta près de la porte et se mit à genoux. Praskovie l'imita et pria Dieu de lui rendre l'abbesse favorable. Lorsque celle-ci eut fini son oraison, elle s'approcha de la jeune fille qui restait à genoux et la releva avec bonté. Praskovie lui dit son nom et le but de son voyage. Elle montra son passeport et demanda l'hospitalité pour la nuit, ce qui lui fut accordé. Bientôt entourée de plusieurs religieuses, amenée par la curiosité dans l'appartement de l'abbesse, elle répondit aux interrogations multipliées qui lui furent faites et raconta les aventures pénibles de son voyage avec tant de simplicité et une éloquence si naturelle qu'elle fit répandre des larmes aux dames qui l'écoutaient et leur inspira le plus vif intérêt. On la combla de caresses et de soins, l'abbesse la logea dans son propre appartement et forma dès lors le projet de la retenir au couvent et de la compter au nombre de ses novices. Praskovie s'était proposé depuis longtemps de prendre le voile si son entreprise réussissait. On a vu précédemment que, jusqu'à son arrivée à Ekaterinembourg, elle avait cru que la ville de Kiev était sur le chemin de Pétersbourg. C'était dans cette ville qu'elle s'était promis de faire ses vœux dans la suite. Elle espérait voir en passant les fameuses catacombes, honorer les reliques des saints qu'elle renferme, et s'arrêter une place pour l'avenir dans une des maisons religieuses de cette ville. Ayant reconnu son erreur, elle ne fit aucune difficulté de choisir le couvent de Nijeni pour sa dernière retraite. Mais elle le promit seulement à la supérieure, et comme on la pressait d'en faire le vœu formel, elle refusa. « C'est je moi-même, répondit-elle, ce que Dieu exige de moi. Je veux, je désire sincèrement finir ici mes jours. Si telle est la volonté de la Providence, qui pourra s'y opposer ?» Elle consentit à demeurer quelques jours à Nijeni pour se reposer et pour chercher les moyens de se rendre à Moscou. Mais bientôt, elle se ressentit de ses fatigues et tomba dangereusement malade. Depuis sa chute dans le Volga, elle avait une toux profonde, qui l'incommodait beaucoup. Une fièvre ardente ne tarda pas à se déclarer. Cependant, quoique les médecins eux-mêmes désespérassent de sa vie, elle n'eut jamais aucune inquiétude. « Je ne crois point, disait-elle, que mon heure soit encore venue. et j'espère que Dieu me permettra d'achever mon entreprise. » Elle se remit en effet, quoique très lentement, et passa le reste de la belle saison au couvent. Dans l'état de faiblesse où elle était encore, elle ne pouvait continuer son voyage à pied, moins encore sur des chariots de poste. N'ayant aucun moyen de se procurer une voiture commode, elle se vit donc obligée d'attendre le traînage pour avoir la possibilité de se rendre à Pétersbourg sans éprouver la fatigue des voitures ordinaires. Elle suivit pendant ce temps les offices et la règle du couvent avec une assiduité qui retarda peut-être son rétablissement, et elle se perfectionna dans ses études. Cette conduite acheva de lui gagner l'estime de l'abbesse et des religieuses, qui prirent pour elle la plus véritable affection, et ne doutèrent au point qu'elle n'accomplît un jour sa promesse de revenir prendre le voile dans leur couvent. Enfin, lorsque les chemins d'hiver furent établis, elle partit pour Moscou, en traîneau couvert avec des voyageurs qui faisaient la même route. L'abbesse, n'ayant pu lui faire abandonner son entreprise, lui donna une lettre de recommandation pour une de ses amies, mademoiselle de S, à Moscou, et l'assura qu'elle pourrait toujours regarder sa maison comme un refuge certain, dans lequel elle serait reçue en fille chérie, quel que fût le succès de son voyage. Praskovie arriva dans cette dernière ville sans embarras et sans accident. Mademoiselle de S eut pour elle beaucoup d'égards et de soins et la retint quelques jours pour lui chercher un compagnon de voyage jusqu'à Pétersbourg. Elle partit avec un marchand qui voyageait avec ses propres chevaux, qui demeura 20 jours en chemin. Outre les lettres de recommandation qui lui avaient été remises par les dames d'Ekaterinembourg, elle en reçut un de mademoiselle de S, pour madame la princesse de T, personne respectable et très âgée. Telles étaient ses ressources lorsqu'elle arriva dans la capitale, vers le milieu de février, environ 18 mois après son départ de Sibérie, avec autant de courage et d'espoir qu'elle en avait le premier jour de son voyage.